Aimons-nous et dormons, dit par Vincent Planchon pour audiocité.net. Aimons-nous et dormons, sans songer au reste du monde, ni le flot de la mer, ni l'ouragan des monts, tant que nous nous aimons, ne courbera ta tête blonde, car l'amour est plus fort que les dieux et la mort. Le soleil s'éteindrait pour laisser ta blancheur plus pure. Le vent qui jusqu'à terre incline la forêt, en passant n'oserait jouer avec ta chevelure, tant que tu cacheras ta tête entre mes bras.